Cela fait 48 ans que ça dure. Comme une mauvaise maladie qui ne guérit jamais et provoque à intervalles réguliers de violentes poussées de fièvre et de graves rechutes. Le patient, c'est le malheureux Chad. Et le médecin, souvent empêtré dans de fâcheuses habitudes, n'est autre que la France. Une fois encore, notre pays a donc été confronté à une crise tchadienne. Et comme les précédentes fois, Paris a essayé, tant bien que mal, de se sortir d'affaires sans trop donner l'impression qu'il se mêlait de ce qui ne le regardait pas. Mais c'est impossible, et pour plusieurs raisons. D'abord, parce que depuis des décennies, Paris entretient au Tchad une importante garnison. Ensuite, parce que tous les gouvernements français, à l'exception peut-être de celui de Lionel Jospin, ont considéré que notre ancienne colonie était l'un des éléments essentiels de notre dispositif en Afrique francophone, notre fameux précaré que l'on désigne aussi sous le néologisme France-Afrique. Et enfin, parce que nous sommes liés avec le Tchad, par un traité dont certaines clauses secrètes datent de l'époque Focard. Focard, qui, il faut le rappeler, avait même demandé à certains dirigeants africains de signer des lettres en blanc demandant l'intervention de la France au cas où ils seraient physiquement empêchés de le faire, par exemple à l'occasion d'un putsch. Dans le cas du Tchad, il existe bien une clause qui permet à Paris de participer au maintien de l'ordre, si N'Djamena le demande. Mais cette intervention n'est pas automatique et dépend du bon vouloir du président de la République française, une clause qui donne donc lieu à toutes les interprétations possibles et a permis à la France de donner quelques sérieux coups de main à l'armée tchadienne face aux offensives de la rébellion, en particulier en matière de renseignement. Monsieur X a souvent évoqué la question tchadienne. Il y revient cette semaine à cause de cette nouvelle crise qui a une forte odeur de pétrole et à laquelle s'ajoute un nouvel acteur qui complique un peu plus la situation, la force européenne fort dont le déploiement imminent est destiné à protéger les réfugiés du Darfour déplacés dans l'est du Tchad. Le Tchad, je vous le rappelle, est un pays immense qui rassemble d'innombrables ethnies et qui, de crise en crise, de coup d'État en coup d'État, n'a vraiment jamais connu la paix et encore moins la démocratie. Un clan remplace l'autre, mettant aussitôt le pays en coupe réglée et régnant par la force et opprimant les autres ethnies. Il en est ainsi depuis l'indépendance. Mais ces transitions violentes n'ont pas échappé à la France. Et parfois c'est elle qui les a suscitées. À la charnière du monde arabe et de l'Afrique noire, le Tchad occupe en effet une position stratégique au centre de notre ex-empire colonial. À plusieurs reprises, depuis l'indépendance, nous y sommes donc intervenus militairement, pour soutenir les gouvernements en place ou pour juguler les ambitions de ses encombrants voisins au nord, la Libye, et maintenant à l'est, le Soudan. C'est pour cette raison qu'un important contingent français continue d'y stationner et que les services spéciaux français y ont toujours été omniprésents. Oui, alors maintenant c'est le dispositif épervier. Oui, un détachement très costaud qui comprend une force aérienne et des éléments de nos troupes d'élite. Paris a ajouté un contingent spécialement attaché à la protection rapprochée du président Idriss Déby. Ouais, bref, la France est donc très engagée au Tchad. En tout cas, beaucoup plus qu'elle ne le prétend. Un seul exemple. En 2006 déjà, des rebelles marchent sur N'Djamena. Les avions français décollent, d'abord pour des missions de renseignement, mais ce n'est qu'un début. Les Mirages effectuent des tirs de semonce pour dissuader la colonne rebelle de continuer à avancer. Puis ce sont des transals français qui transportent les forces loyales sur place. C'est donc parfaitement clair. Ah, tout à fait. J'ajoute, mais nous en avons parlé récemment, que cette force militaire que nous mettons volontiers à la disposition du président Déby nous permet aussi d'intervenir chez le voisin centrafricain lorsqu'il le faut. Mais enfin, les autorités françaises l'ont abondamment clamé ces derniers temps. Déby a une légitimité, c'est un président élu. Formellement, en tout cas. En mai 2006, après avoir modifié la Constitution pour se présenter une fois de plus, Idriss Déby a été réélu avec un score soviétique. Mais les observateurs indépendants ont parlé de mascarade. Alors, revenons, si vous voulez bien, aux caractéristiques du Tchad, qui regroupe 200 ethnies et où l'on parle une centaine de langues. L'unité est donc difficile, hein ? Sinon impossible, oui. Le concept de nation tchadienne est une absurdité tant ces gens sont différents et tant la population tchadienne est hétéroclite. Pour simplifier, alors, disons qu'il y a deux grands groupes. Au sud vivent les agriculteurs, autrefois animistes, et peu à peu christianisés par les missionnaires français. Au nord et à l'est, on trouve des nomades musulmans qui ont une longue tradition guerrière et qui ont toujours été hostiles à la colonisation. Il existe donc des sédentaires et des nomades. Oui, ce sont les premiers qui ont formé la plupart des cadres indigènes de la colonisation. Ces deux groupes-là ne s'entendent pas ? Non, et leur ressentiment remonte très loin, bien avant la colonisation, car les guerriers du désert ont longtemps vécu du trafic d'esclaves, des esclaves qu'ils venaient capturer justement dans les tribus du sud. Toutefois, à l'intérieur de ces deux grands groupes, il existe des sous-groupes qui s'opposent parfois violemment les uns aux autres. Pas simple. Hein. Par exemple, Déby est arrivé au pouvoir grâce au soutien armé des siens, les Agawa, une ethnie qui vit de part et d'autre de la frontière soudanaise. Mais certains et même des membres de sa propre famille se sont aujourd'hui retournés contre lui. Ouais. Alors, après l'indépendance, là, comment ça s'est passé ? Oh, ben, presque naturellement, ce sont les sudistes qui prennent le pouvoir. Avec le soutien de la France. Bien entendu, ouais. Parce que c'est au sud que le pouvoir colonial était le mieux implanté. Le premier président, François Tambalbaye, un enseignant et donc un membre de l'ethnie Sara, qui représente à peu près 20% de la population tchadienne. Mais c'est très mal vécu au nord, où les Toubous ont toujours nourri un solide complexe de supériorité. La supériorité du guerrier sur le paysan, c'est ça. Le gouvernement français a tellement conscience de cette hostilité latente que la partie sahélienne du Tchad demeurera sous administration militaire française, encore 4 ans après l'indépendance. Quoi, de peur que les Toubous ne se rebellent ? Des Toubous irrités par la façon de gouverner du président Tambalbaye, qui interdit les partis d'opposition et règne en dictateur avec les membres de son clan. Et bien entendu, il accapare avec les siens les maigres richesses du pays. Enfin, tous les présidents qui lui succéderont, qu'ils soient du nord ou du sud, n'agiront pas autrement. Mais alors, la France, là ? La France, qui fait souvent des fins de mois du gouvernement tchadien, est très impliquée par l'intermédiaire des coopérants, qui sont bien souvent des agents de nos services secrets. Le principal conseiller de Tambalbaye, l'homme qui a la haute main sur les services de sécurité, est par exemple un officier français, le commandant Gourvennec. Mais là-bas, il y avait aussi Pierre de Bizet, le futur patron du SAC. Ah oui, ça sentait donc très fort la barbouzerie. Non, c'est évident. Focard avait l'œil. Cependant, au milieu des années 60, des guérillas se constituent dans le Nord. Les premiers incidents sérieux ont lieu en 1967. L'armée tchadienne réplique brutalement. Conséquence, la rébellion se propage parmi les tribus Toubous. La situation devient même si inquiétante que Tambalbaye fait appel à la France. Et le général de Gaulle ordonne l'envoi d'une mission militaire au Tchad. Il faut alors montrer à tous les pays africains francophones que la France demeure le garant de leur sécurité intérieure. Quitte à écorner quelques grands principes. Et l'opposition alors, au régime de Tambalbaye est donc d'abord nordiste. Hein. Essentiellement, oui. Ce sont les Toubous. Et leur éparpillement, leur mode de vie et l'environnement, c'est-à-dire la montagne et le désert, leur permettent de résister durablement et de harceler les forces sudistes. Mais ce ne sont pas les seuls adversaires de Tambalbaye. Il existe aussi une opposition moins ethnique et donc plus politique, incarné par un brillant médecin progressiste, Outhel Bono, qui a rassemblé quelques intellectuels qui ne se privent pas de critiquer le caractère antidémocratique du pouvoir tchadien. C'est risqué ? Et les conseillers français qui gravitent autour de Tambalbaye poussent le président tchadien à agir. Le médecin est arrêté. Et très curieusement, c'est un fonctionnaire français, un commissaire, qui procède à son interpellation. Ah oui, alors ça en dit long sur l'implication de la France dans cette affaire, enfin, plus généralement, dans la conduite de la politique tchadienne. Outhel Bono, faussement accusé de complot contre la sécurité de l'État et de tentative d'assassinat contre le président Tambalbaye, est condamné à mort. Mais finalement, 2 ans après sa condamnation, Outhel Bono obtient un régime de semi-liberté. Le président essaie même de le circonvenir en le faisant entrer dans son gouvernement. Le médecin refuse. Seule concession, il accepte le poste de directeur de la santé. Il devient quand même alors un personnage officiel. Pour autant, là, a-t-il renoncé à toute activité politique ? À peu près, oui. En 1969, on doit procéder à une élection présidentielle. Et Tambalbaye craint que le docteur Bono ne se présente contre lui. Il faut donc à nouveau trouver un moyen de le neutraliser, et sous un prétexte, le médecin est arrêté. Toutefois, Tombalbaï a sous-estimé sa popularité. À Fort-Lamy, devenu N'Djamena, on manifeste. Et finalement, 3 mois plus tard, le président tchadien doit céder et se résoudre à libérer Outel Bono, qui redevient aussitôt directeur de la santé. Ça me paraît extravagant tout ça, non ? Et réélu en juin 69, Tombalbaï se fait octroyer les pleins pouvoirs. Mais malgré les moyens que lui donne ce pouvoir dictatorial, Tombalbaï est de plus en plus critiqué à l'intérieur de son propre pays, tandis que la popularité d'Outel Bono ne cesse de croître. À tel point qu'à Paris, on commence à se dire qu'il pourrait avantageusement succéder à Tombalbaï. Mmh. Celui-ci a-t-il eu vent de la nouvelle faveur de Bono ? En tout cas, fin 1972 et début 1973, il se lance dans une véritable campagne anti-française. Tombalbaï, hein ? Mmh. Et c'est-à-dire, non ? Bah, de façon très paradoxale, et alors que son pays connaît de graves problèmes financiers, il s'en prend à Focard, qui serait à l'origine de tous les maux du Tchad. Alors que, reconnaissons-le, Tombalbaï est d'abord une créature de Focard. Hein. Ouais. Dès cet instant, on peut penser que le président tchadien ne restera pas longtemps au pouvoir. D'autant qu'il déclare son intention de remettre en cause la coopération militaire avec la France et qu'il entame un flirt avec la Libye. Mais la Libye, qui pourtant soutient les rebelles du Nord. Oui, oui. Tombalbaï espère réduire la rébellion en concluant un accord secret avec Kadhafi. Un accord au terme duquel le président tchadien reconnaît la souveraineté libyenne sur la fameuse bande d'Aouzou. Quant au docteur Bono, lorsque se produit ce raidissement anti-français de la politique tchadienne, qui se traduit par l'emprisonnement de nombreux opposants, il a la chance de se trouver à l'étranger. Mais on lui fait comprendre très fermement qu'il n'a pas intérêt à revenir au Tchad. Mmh. En d'autres termes, on le menace. Quoi. Et comme le médecin ne se résigne pas à se désintéresser du sort de son pays, en 1973, des assassins passent à l'action, en plein Paris. Qu'en est-il réellement des rapports du docteur Bono avec la France ? Et a-t-on sérieusement pensé à Paris que le médecin pourrait succéder à Tombalbaï ? Dans leur livre « La piscine » paru en 1985 au Seuil, Faligaud et Krop parlent d'un mystérieux colonel Bayonne, un entrepreneur en maçonnerie, qui a longtemps travaillé en Afrique et qui serait un ancien des services spéciaux. C'est lui qui aurait cornaqué en France le docteur Bono, je cite Faligaud et Krop. Grâce à l'ancien ministre du plan tchadien, Dingy Bay, membre comme lui de la Grande Loge Nationale de France, le colonel, avait rencontré Outel Bono. Et Dingy Bay avait suggéré que le docteur, homme intègre, fréquemment victime de la répression au Tchad, était une carte à tenir en réserve du point de vue français. Bayonne se croit autorisé à parler au nom d'amis bien placés. Bono peut sortir son pays de l'impasse, créer une vraie démocratie. L'intéressé hésite. L'idée d'être porté au pouvoir par un coup de force, même dans une optique libérale, ne l'enchante guère. Il accepte enfin, pourvu qu'une véritable consultation populaire et des réformes en profondeur ratifient sa démarche. On distribue dans les mois qui suivent son programme au Tchad, une conférence de presse est prévue pour annoncer son départ, mais une semaine avant la date fixée, le docteur Outel Bono est assassiné. Ne croirait-on pas un mauvais remake du scénario Ben Barka 10 ans plus tôt ? De mon point de vue, les assassins de Bono ont fait coup double. Attendez d'abord, qui étaient-ils ? Bah, malheureusement, on ne peut pas exclure qu'ils aient été français. Ah oui, en dire français, plus, hein. Oui. Alors coup double, je dis, bah, d'un côté, ils se sont débarrassés d'un homme qui était en position de succéder à Tombalbaï et de faire le ménage à N'Djamena. Et d'un autre côté, bah, ils ont fait porter la responsabilité du crime sur le président Tombalbaï. Mmh. Ah, mais avec quel objectif alors ? Bien, le discréditer un peu plus et précipiter sa chute. Ce qui sera d'ailleurs le cas un peu plus tard en 1975, quand il sera lui aussi assassiné à l'occasion d'un putsch. Tombalbaï est remplacé par un général, lui aussi sudiste, Maloune. Et le putsch, là, est organisé avec la bénédiction de la France ? Bon, c'est certain. Mais ce qui suit est assez complexe. D'abord, les rebelles du Nord se déchirent. En fait, en gros, il existe 2 factions. L'une est dirigée par Hyssen Habré. Ouais, le ravisseur de Françoise Claus. Oui, bon, je ne reviens pas sur cet épisode que nous avons évoqué récemment à l'occasion du décès de l'ancien otage. Abré, brillant ancien sous-préfet français, prend secrètement contact avec le président tchadien. Ah oui, Maloum. Là, c'est ça. Ouais. Et alors, la deuxième faction ? Elle est dirigée par un autre seigneur de la guerre, un homme qui jouit d'un grand prestige parmi les populations du Nord, Kukuni Wadaï. Lui s'appuie sur la Libye et, accumulant les succès militaires, il s'empare de plusieurs villes. En 1978, N'Djamena semble à portée de main du rebelle. Paniqué, le général Maloum fait appel à la France qui envoie aussitôt des troupes et quelques avions Jaguar. Ouais. Et cela suffit à rebousser les forces de Wadaï ? Oui, Maloum est sauvé, au moins provisoirement. Et quelques semaines plus tard, l'ancien rebelle Hissène Habré devient le premier ministre du général Maloum et pactise donc avec le pouvoir contre son allié d'hier, Kukuni Wadaï. Mais il ne se passe guère de temps avant que le Tchad tout entier ne soit plongé dans une véritable guerre civile. En effet, Habré et Maloum ne tardent pas à entrer en conflit, tandis que la rébellion du Nord redouble d'activité et qu'un autre front s'ouvre au Sud. Pour ne pas employer un autre mot, c'est la plus grande confusion. Ouais, le général Maloum laisse la place à Hissène Habré. Mais ce dernier doit accepter la création d'un gouvernement d'union nationale présidé par son rival, Wadaï. Ouais. Encore plus compliqué. Et Habré en fait partie ? Oui, en tant que ministre de la Défense. Mais cet accord vole bientôt en éclats. Et tout cela donne l'impression que la France là, ne contrôle plus vraiment la situation. Hein. Et tandis que sur le terrain, la situation dégénère très vite. Wadaï, soutenu par des troupes libyennes, et Habré se livre une bataille acharnée jusque dans N'Djamena pour s'emparer du pouvoir. Ça signifie en tout cas que ce sont les hommes du Nord, même divisés, qui sont désormais les maîtres du jeu. Ils le sont toujours depuis cette époque, quoi qu'il en soit. Le conflit armé entre les factions rivales tourne à l'avantage de Wadaï. Habré, vaincu, file se réfugier chez le voisin soudanais. C'est donc aussi une victoire de la Libye. Alors, à Paris, il est décidé d'aider Hissène Habré à reconquérir le pouvoir. Les services commencent à livrer des armes à ses forces repliées au Soudan. Ce n'est pas sans arrière-pensée. On sait depuis plusieurs années que le sous-sol tchadien est riche en pétrole. Et puis, il se murmure que dans le nord, il y aurait aussi la présence d'uranium. Donc, on ne se bagarre pas seulement pour quelques arpents de sable et de cailloux. Et est-ce que l'arrivée au pouvoir en 1980 des socialistes en France va modifier les choses ? Au Tchad, pas vraiment. Même si Mitterrand, qui a vite compris que la clé de l'affaire se trouve en Libye, essaie la conciliation. Il débloque d'importants contrats gelés par son prédécesseur. Mais en même temps, il demande à Kadhafi de rappeler ses troupes qui se trouvent au Tchad. Et le plus étonnant, c'est que ça marche. Mais pour une fois, c'est Kadhafi qui a été abusé. Les Libyens ont à peine quitté le Tchad que Hissène Habré passe à l'offensive et attaque les forces de Kukuni Wadaï. Avec le soutien français ? En tout cas, le soutien des services secrets. Car dans les fourgons de l'armée rebelle, on trouve des mercenaires. Les amis du fameux Bob Denard. Et au bout de quelques mois, les forces armées de Habré pénètrent sans coup férir dans N'Djamena. Le chef qui les commande est un certain Idriss Déby. Ah oui, l'actuel président de Tchadien. Bon, en tout cas, Habré a gagné. Oui, avec lui la France. Très vite, le nouveau président tchadien, qui jugule aussi la rébellion au Sud, signe une convention de coopération avec notre pays. Ce sont par exemple des agents français qui sont désormais chargés de former les services de sécurité tchadiens. C'est donc à nouveau la tutelle française. Oui, mais ce n'est pas pour autant la paix. Loin de là, Wadaï annonce la formation d'un gouvernement en exil. La Libye, qui estime avoir été trompée, espère grâce à lui prendre sa revanche. Au début de l'été 1983, toujours soutenu par des unités libyennes, le leader nordiste lance une offensive de grande envergure et s'empare de l'oasis de Faya Larjo. Habré, conscient du danger, presse Paris d'intervenir. Réaction de Mitterrand ? Bon, il n'a pas très envie d'engager directement les forces françaises, même si les accords de coopération passés entre les deux pays le permettent. Aussi, dans un premier temps, le président français se contente-t-il d'envoyer là-bas des spécialistes de la DGSE et des mercenaires. Ouais. Toutefois, Kukuni continue à gagner du terrain, même si Faya Larjo a été momentanément reprise. Ah, il faut donc passer à la puissance supérieure. Les Américains ouvrent leur porte-monnaie, tandis que la France se décide enfin à bouger. Il s'agit de l'opération Manta, l'envoi de 3 000 soldats. Cependant, cette force ne doit pas chasser les troupes libyennes présentes au nord, mais imposer une ligne rouge que ces mêmes Libyens ont l'interdiction de franchir. Mais j'imagine que ça, ça ne peut pas satisfaire entièrement Hissène Habré. Ni même les Américains, qui voudraient que les Français boutent les Libyens hors du Tchad. En janvier 84, un avion Jaguar est abattu par un missile sol-air de fabrication soviétique. Paris décide aussitôt de déplacer de 100 km au nord la ligne rouge. Quelques semaines plus tard, 9 militaires français qui examinaient une carcasse d'automitrailleuse sont tués. L'engin était piégé. Ça commence à faire beaucoup, hein? Et ça gronde chez certains militaires qui voudraient qu'on attaque les Libyens. Selon eux, Manta ne sert à rien. Ils n'ont peut-être pas tout à fait tort. Hein. C'est ce que doit se dire aussi Mitterrand qui décide soudain l'abandon de l'opération. Sur quoi, le repli? Oui, la surprise générale. Alors, que s'est-il passé? À mon avis, mais enfin ça je n'en ai pas la preuve, Paris et Tripoli ont dû passer un accord secret. Au même moment, des nouvelles très préoccupantes arrivent à Paris. Des informations sur des massacres perpétrés au sud par l'armée tchadienne commandée par le général Idriss Déby. Puis, au début de l'année 1986, on assiste à une nouvelle offensive de Kogouni-Wadei qui franchit la fameuse ligne rouge. Et là, Paris peut difficilement laisser faire sans perdre la face. Aussi est-ce la mise en place de la seconde opération militaire française au Tchad, Épervier. Nos chasseurs bombardiers attaquent une base libyenne au nord du Tchad, et les troupes tchadiennes de Hissène Habré, puissamment aidées par les Français et les Américains, triomphent des Libyens. C'est d'autant plus facile qu'un surprenant renversement d'alliance se produit. Kogouni-Wadei se fâche avec Kadhafi et annonce son intention de se rapprocher de son vieux rival Hissène Habré. Un mot sur Hissène Habré et ses relations avec son ennemi Kogouni-Wadei. Voici ce que j'ai trouvé dans l'ouvrage « Les mondes rebelles ». Les relations conflictuelles entre les deux hommes vont devenir l'un des fondements de l'évolution du Tchad tout au long des années 70-80. L'antagonisme qui les oppose est tout à la fois de nature sociale, entre le fils d'un aristocrate Teda et le fils d'un berger Daza. Ethnique, les Teda sont historiquement liés à la Libye, tandis que les Daza sont plus tournés vers l'espace tchadien. Et politique, Habré professe un nationalisme ombrageux, alors que Wadei n'a pas hésité à diverses reprises à solliciter l'aide libyenne. À cela s'ajoute le comportement hautain d'Habré à l'encontre de Goukouni, qui en sera toujours meurtri. Tout au long de ses combats contre Kogouni-Wadei, la Libye et ses alliés, Hissène Habré a toujours fait preuve d'un grand courage physique et d'une grande intelligence politique et tactique, lui conférant incontestablement la stature d'un homme d'État. Habré est donc dorénavant tranquille au nord, mais c'est à l'est que la situation devient préoccupante. Le Darfour, oui. Oui, de nombreux opposants y ont trouvé refuge. Et ils y sont comme chez eux, car ils appartiennent aux mêmes ethnies et font de fréquentes incursions au Tchad. En même temps, Hissène Habré gouverne d'une main de fer son pays. Il emprisonne à tout va, et quand ça ne suffit pas, il tue. On estime que sous son régime, plus de 40 000 personnes seront liquidées. C'est énorme, hein? Mais à Paris, ça commence à poser de sérieux problèmes. Mais pourquoi là? À cause de la présence de nos militaires au Tchad et du soutien officiel que nous apportons à Hissène Habré. Le président Mitterrand a beau demander aux Tchadiens d'instaurer le multipartisme dans son pays, celui-ci ne répond pas et continue de liquider ses opposants. Par conséquent, à Paris, on aimerait bien se débarrasser de lui. Ah ben c'est certain. Mais il faut trouver l'homme qui le remplacera. Et on pense à Idriss Déby. Le chef d'état-major de l'armée tchadienne, qui a férocement réprimé la guérilla sudiste. Hein. Ah, et malgré tout, ce général est plutôt bien vu chez nous, où cet authentique guerrier, intrépide et courageux, a suivi un stage en France à l'école de guerre. Et chez lui, il a été l'inventeur des raids éclairs contre les Libyens. Ces raids zou de l'ère moderne effectués en pick-up. Quoi qu'il en soit, soutenu ou pas par la France, Idriss Déby tente une première fois sa chance en 1989. Conseiller du président Habré pour les affaires de sécurité et de défense, il est bien placé pour préparer un coup d'État. Mais il échoue et se réfugie au Darfour. Il doit y retrouver là les membres de son ethnie, comme vous avez dit, là, les Zagawa. Ouais. Et dès cette époque, notre service de renseignement, la DGSE, entretient des rapports très étroits avec lui. Le rebelle lance une première offensive à la fin 1989, puis il récidive au printemps 90. Et enfin, à la fin de cette même année, il lance un troisième assaut dans le sud-est du pays. Épreuve que Paris a décidé de lâcher Havré, les militaires français laissent faire. Car en dehors de la grave question des droits de l'homme, notre pays a aussi une bonne raison de l'abandonner. Déby a passé un accord secret avec Elf. Elf, la compagnie Elf. Hein. Et de quelle nature ce... Contre un appui matériel du groupe pétrolier français, Déby s'est engagé à introduire Elf dans le consortium, jusqu'ici anglo-saxon et chargé de prospecter le sous-sol tchadien. Après la conclusion d'un tel accord, bah, la messe est forcément dite. Et après, alors ? On peut le comprendre très vite qu'il a perdu la partie et s'enfuit. D'abord au Cameroun, puis au Sénégal, en attendant peut-être un jour d'être jugé pour ses crimes par la Cour pénale internationale. Ouais, ça peut encore attendre. Idriss Déby est donc maintenant au pouvoir. Et après quelques désordres qui suivent l'entrée de ses troupes dans la capitale, il se fait nommer président de la République par le bureau politique de son parti. Et l'officier de la DGSE, qui l'a chaperonné depuis le Darfour, devient son conseiller spécial. Toutefois, le président tchadien est vite confronté à plusieurs difficultés. D'abord, Hissène Habré n'a pas renoncé. En octobre 1991, un premier coup de force est tenté contre Déby. Et Habré se trouve derrière ? Ben, presque certainement. Et ça recommence au début de l'année suivante. Mais c'est un nouvel échec. Conséquence immédiate, Paris décide de renforcer immédiatement le plan Épervier. Ben, c'est donc toujours la lune de miel avec Idriss Déby. Hein. Oui, oui, mais en dehors des complications que lui causent les partisans de Habré, le nouveau président doit aussi faire face à la rébellion de plusieurs autres mouvements armés. Le Tchad demeure donc un pays extrêmement violent. En face, Idriss Déby frappe sans pitié et gouverne à peu près avec les mêmes méthodes que son prédécesseur, en s'appuyant sur ses turbulents frères ethniques qui se taillent de véritables fiefs dans l'appareil d'État et l'armée. Et sans susciter de protestation de la France ? Non, non, malgré toutes les dérives et les exactions du pouvoir, la France continue à assister l'armée tchadienne. En 1996, pour la première fois, les Tchadiens sont appelés à se prononcer par référendum sur le projet de constitution nationale. Et quelques mois plus tard, Déby remporte l'élection présidentielle. C'est une véritable élection ? Là, j'en doute, mais enfin... Après tout, seul le résultat compte. Et Déby y gagne pour un temps un vernis de respectabilité. Mais ça ne va pas durer, car le Tchad va bientôt connaître une des pages les plus noires de son histoire, lors de la répression de la rébellion sudiste à l'automne 1997. De nombreux civils et plusieurs chefs de village sont ainsi assassinés. Et les rares témoins signaleront l'exceptionnelle sauvagerie de ces soldats zaghawa. Les soldats de Déby. Mmh. Et la France ? C'est la cohabitation. Jospin refuse de mêler nos troupes à cette affaire et provoque la colère du leader tchadien. Mais Jacques Chirac, lui, promet à Idriss Déby que les 1000 soldats français resteront. Et bientôt, un nouveau sujet de brouille surgit. Fin 1999, Elf se retire du consortium pétrolier tchadien, essentiellement à cause de l'instabilité de la région d'où le pétrole doit être extrait. Au sud, là où les troubles n'ont jamais cessé. Il fait aucun doute que la perspective de production de pétrole alimente certains de ces mouvements insurrectionnels. Ouais, parce que les gens du Sud, ça se comprend, ne veulent pas que les nordistes au pouvoir accaparent cette richesse. C'est évident. Mais même au Nord, où l'on a découvert de nouveaux gisements, la situation n'est pas plus calme. Et puis ensuite, il faut tenir compte de la géographie. Le Tchad est un pays enclavé. Pour évacuer le pétrole jusque dans un port de la côte ouest, il faut construire un oléoduc de plus de 1000 kilomètres. Ce qui sera finalement fait. Hein. Par les Américains, oui. En tout cas, cette décision d'Elf provoque la colère du président Tchad. Donc c'est lui qui a introduit Elf dans son pays. Il se venge sur l'ambassadeur de France qui, accusé d'avoir critiqué la politique présidentielle, est soudain déclaré persona non grata. Il faut en effet savoir que Déby a mis de grands espoirs dans cette ressource pétrolière. Les compagnies estiment en effet dès le départ que les revenus annuels de l'État tchadien pourraient s'élever à quelques 100 millions de dollars. Et maintenant, on parle d'un milliard et demi par an. Pour un des pays les plus pauvres du continent, c'est énorme. Oui, mais il faut construire cet oléoduc. Et trois compagnies pétrolières sont décidées à se lancer dans l'aventure et donc à construire cet oléoduc. Mais quelles sont-elles alors ? Le consortium est composé de deux compagnies américaines, Exxon et Chevron. La troisième est en malaise. Mais l'investissement est si considérable qu'elles font appel à la Banque mondiale.